Alors, nous voulions vous passer, pour commencer la séance, un extrait d'un film de Claudia von Hallmann, qui date de 1969, qui s'intitule « Ce n'est qu'un début, continuons le combat », qui fait précisément le lien entre les états généraux du cinéma, les tournages de mai 68, c'est un extrait d'un des films du groupe ARC, Le droit à la parole, et les premières expériences, l'expérience vidéo. Claudia von Hallmann était une jeune étudiante qui était présente à Paris pendant les événements et qui va réaliser un film, au fond, sur ce qui est en train de se passer dans le milieu du cinéma pendant l'année 68. Donc c'est un document qui est extrêmement, extrêmement précieux. Donc l'extrait dure 7 à 8 minutes. 7 à 8 minutes. Et on pourra justement entendre Jean-Henri sur... Mais elles ne sont pas suffisantes pour enregistrer et répondre entre politiques et les cinéastes savent que les films de mai 68 ne suffiront pas pour élargir et transformer le champ de conscience politique. Puisque les méthodes habituelles ne sont pas suffisantes pour enregistrer et répandre plus rapidement les informations, un groupe travaille avec une caméra vidéo. Cet enregistrement peut être visionné sur n'importe quel téléviseur. Ici, un groupe filme pendant une conférence de presse à Paris 8, occupé la veille par des étudiants, lieu d'affrontement violent avec la police. Je pense qu'il y a un autre point qu'il faut souligner parce que un certain nombre de journaux ont mis l'accent là-dessus, c'est sur le problème des dégradations. Le problème des dégradations, n'est-ce pas, on a expliqué qu'il y avait pour plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts, que les étudiants s'étaient vendus comme des vandales, etc. Alors je tiens à préciser ce que j'ai vu, et le premier, je pense, pourra me confirmer. C'est que jusqu'à l'intervention de la police, je n'ai assisté personnellement à aucune espèce de dégradation. Que, pour l'essentiel, les dégradations qui ont été faites sont le fait de l'intervention de la police. Il est bien évident que lorsqu'on tire des grenades à travers des carreaux, eh bien, ces carreaux se cassent. Que lorsqu'on enfonce, on donne des coups de crosse dans une porte, eh bien, si le CRS qui donne le coup de crosse est suffisamment fort, la porte est enfoncée. Je ne sais pas s'il y a ici un journaliste de François. Je ne voudrais pas ouvrir de polémique, mais je voudrais l'emmener simplement voir les postes de télévision qui ont servi à faire des barricades. Elle verra qu'ils n'ont pas souffert dans la barricade, ils sont là, ils sont en place. J'ai vérifié un point de samedi, d'ailleurs. Ah bon, les feux dans les alors, le dernier point que je voudrais indiquer, et que je peux peut-être le faire mieux que Royer dans la mesure où, avec les étudiants, nous étions en train de discuter, c'est sur les raisons du refus de la négociation. La raison me paraît extrêmement simple et extrêmement précise. Elle correspond à une expérience qui n'est pas si vieille que ça, puisque c'est l'expérience du 3 mai à la Sorbonne. Il est bien évident, et quand Royer est venu présenter les engagements de la police aux étudiants, il a bien précisé que c'était des engagements de la police, il est bien évident qu'à l'heure actuelle, depuis ce qui s'est passé le 3 mai, et c'est pas la peine que je me rappelle, la promesse faite par la police aux étudiants qui se trouvaient ce jour-là rassemblés dans la cour de la Sorbonne, ils pourraient sortir librement, et le fait que, sitôt franchi la porte de la Sorbonne, ils ont été arrêtés, depuis ce moment-là, depuis quelque temps avant déjà, mais depuis ce moment-là particulièrement, les étudiants n'ont pas confiance dans les engagements que peut prendre la police. Et je veux dire que personnellement, je ne peux pas les en désapprouver. Dans l'Assemblée Générale, les étudiants discutent des suites à donner à leur action. De le poursuivre dans les formes mêmes où il s'est engagé en main, c'est-à-dire les formes violentes et ouvertes. Tout en reconnaissant qu'effectivement, lorsqu'on est fidèle à la tradition révolutionnaire de mai, c'est dire que seule la violence révolutionnaire renversera le pouvoir, c'est comprendre aussi qu'à certains moments, on peut emprunter d'autres voies que la voie violente. C'est-à-dire qu'il faut d'abord discuter d'un principe fondamental encore une fois, c'est que ça nous suffit non pas pour condamner en principe une action entreprise par un certain nombre de camarades, mais pour déterminer les meilleurs moyens de poursuivre la vie. Et c'est sur cette base-là qu'un comité d'action dans ces discussions a pensé qu'il était possible de trouver une autre forme de lutte plus appropriée à la situation présente. Mais encore une fois, je n'ai pas de reprendre ce qui est actuellement dans toute la presse, c'est-à-dire les mandats, les saccages, les étudiants peuvent travailler, il s'agit de trouver comment est-ce qu'on va s'organiser. Soit maintenant nous abandonnons tout type d'action violente, soit d'autre part nous engageons dès maintenant un processus irréversible. L'action qui a été menée, le fait d'avoir descendu la faculté et descendu la faculté pendant l'invasion, était motivée par une situation politique concrète. Chaque soir, des informations enregistrées dans la journée défilent sur les écrans TV dans des lieux différents, ici à la librairie Maspero, pour discuter avec le public cette contre-information, créée pour contrer les informations de la presse et de la télévision officielle. Les groupes politiques échangent entre eux ces enregistrements qui rendent compte des grèves, d'événements locaux et des débats dans les grandes écoles. Fait partie d'un groupe qui circule avec les femmes en province et les discours.